Avant de commencer cette méditation du souffle, prenez quelques instants pour vous installer calmement. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger en adoptant une posture confortable qui vous permette de rester vigilant. Prenez le temps de vous remercier d'avoir réservé ce moment pour méditer dans une journée peut-être chargée. À présent, en respirant normalement, en respirant naturellement, portez la conscience sur votre souffle. Dirigez l'attention sur votre respiration, là où elle vous semble la plus perceptible dans votre corps. Au niveau de votre nez, de votre poitrine, de votre abdomen ou ailleurs. Inspirez en étant conscient du souffle qui entre, puis expirez en étant conscient du souffle qui sort, instant après instant. Maintenez simplement la conscience du souffle en inspirant et en expirant. Ne cherchez pas à visualiser, à compter, ou à comprendre le souffle. Soyez juste pleinement conscient de ce processus naturel du corps qui respire sans juger. Regardez juste le souffle qui monte et qui descend, comme les vagues de la mer. Il n'y a nulle part où aller, rien d'autre à faire, hormis demeurer ici et maintenant, en étant attentif à la respiration. De temps en temps, il est naturel que l'attention s'éloigne du souffle. Quand vous vous en rendez compte, notez simplement où l'esprit est parti, puis ramenez-le doucement au souffle. Contentez-vous de respirer. Respirez. Surfez sur les vagues du souffle, moment après moment, en vivant cette pratique au fil du souffle, une inspiration et une expiration à la fois. À la fin de cette méditation, remerciez-vous d'avoir consacré ce moment à être présent et prenez conscience qu'il s'agit d'un acte d'amour envers vous-même.